Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a fait parvenir un message au maréchal Kim Jong-un. Le dessinateur écrit qu'il exalte avec le peuple coréen, au nom du gouvernement et du peuple ougandais, la grande vie de son excellence Kim Jong-il, éternel leader de la République populaire démocratique de Corée, et ses exploits accomplis pour le peuple coréen et le peuple du monde. Il formule son hommage sublime à son excellence Kim Jong-un en affirmant que son excellence Kim Jong-il a réalisé le développement politique, économique et social de la République populaire démocratique de Corée et accompli les exploits extraordinaires pour le bonheur du peuple coréen.